Ce panneau indique qu'un moyen de lutte contre un incendie se trouve à proximité. Le plus souvent, il s'agit d'extincteurs. Celui-ci indique un poste d'appel d'urgence. Il permet de joindre les équipes d'intervention du tunnel en cas de panne, d'incident ou d'accident, par exemple. Une issue de secours serait indiquée par ce panneau. Réponse A et C.